Je crois savoir qu'il aime plutôt le style rive gauche. Le cheveu dans la figure, l'œil au charbon. Le genre crado, quoi. Disons cérébral. Dans l'amour, ce qui m'envoûte, c'est la pluralité subjective. Même à deux, on est six. Toi, moi. Celui que je pense que tu es, celle que tu crois être moi. Celle que je pense être, celui que tu voudrais être. Plus tous ceux qu'on aurait pu être. Oh non, c'est trop compliqué, je me prendrai les pieds. Il faut du simple.